à ceux, à celles qui viennent pour la première fois. Donc, après la causerie, on peut se retrouver pour poser toutes les questions que vous voulez sur Sierra autour d'un verre. C'est pas juste la causerie, on s'en va, le local va rester ouvert un petit moment après. Donc, cette causerie est dans le cycle des causeries mensuelles du Sierra. Donc, on a le plaisir de recevoir Fred Maurice, qui est venu spécialement de Bordeaux. Donc Fred Maurice est à la fois artiste et écrivain. Donc là c'est en tant qu'écrivain que pour aujourd'hui, mais en tant qu'artiste, vous pourrez aller consulter, vous tapez son nom sur internet et puis vous tombez sur un blog qui s'appelle FM, E2LIM, et vous verrez tout ce dont il est capable, c'est-à-dire des dessins, des pastels, des illustrations en tout genre, des illustrations qu'on servit pour des revues d'histoire, des photos aussi, et puis surtout là ce qui apparaît bien sur le blog, c'est des dessins sur Bordeaux de ces dernières années, puisque j'ai publié à Bordeaux. Et donc on a des scènes de rue, alors ça ressemble un peu à la BD, ça vaut le coup d'œil. Il y a des scènes de manif, on voit nos camarades de la CNT qui passent dans certains dessins. Voilà. Donc je suis auteur là depuis 2005 avec voilà, donc on a commencé par. Alors, c'est toujours chez tous, c'est bien parce qu'on est entre nous, c'est tous des amis. C'est l'Insomniac qui a publié un livre qui s'appelle Jup. Alors le thème qui revient un peu souvent, c'est quand même la vie dans les banlieues, dans les tours, les bars. Ouais. Alors je pense qu'il y a du vécu. J'ai vécu près de 30 ans, donc ça reste pas mal. Voilà. Donc on a eu Jup, après on a, je n'ai pas celui-là, c'est La Semaine du Lézard, aux éditions du Monde Libertaire, c'est après La Maladie des Tons, qui est là. Alors après on passe chez les Champs d'Antilles. Champs d'Antilles, c'est plutôt un éditeur jeunesse, enfant et adolescent. À la base, c'était aussi adulte, mais qui en a uniquement jeunesse. Donc celui-là, il est plutôt tout public. Ouais, celui-là. Après, on a Le Val Enchanté. Non, c'est pareil, c'est tout public. Là. Mais ouais. C'est toi qui as fait la couverture. Ouais. Très magique, c'est une de mes peintures. Très belle couverture. Les 10 cités fleuries, qui est là. Ceux d'en face, je ne l'ai pas sorti. Si, il est là. Ah, si, il est là aussi. Ouais, ceux d'en face en auto-édition. Et puis aujourd'hui, on va parler de celui-ci, Un hiver de chien. Donc, je ne vais pas trop dire grand-chose, sauf que c'est un éditeur qui se trouve. Donc, c'est un roman régionaliste, entre guillemets, parce que c'est un éditeur qui est du troisième arrondissement. Et voilà. Récits inspirés de ton vécu dans les grandes banlieues de Paris, quotidien, alors après des histoires un peu tragiques, mais aussi la solidarité. C'est pas toujours triste non plus. Et puis voilà, je te laisse la parole pour me parler donc de cette période qui a précédé la Commune de Paris. Enfin, moi, quand j'ai lu, c'est un roman historique qui peut s'adresser à tout public, tous les adolescents peuvent le lire. Aussi du loup, et surtout c'est vachement bien documenté et on en apprend beaucoup sur l'histoire. Ouais, il y a aussi une partie documentation sur parce que le lieu d'action c'est le 13e arrondissement, donc c'est un quartier, toujours un quartier populaire, et donc l'éditeur lui est spécialisé dans l'histoire du 13e, d'avoir beaucoup de documents déjà auprès de lui. Donc il y a aussi une forme de une part de documentation sur le 13e qui est aussi. C'est important. Alors il y a peut-être des spécialistes de la guerre franco-prussienne, si c'est le cas, et puis que je dis des bêtises, n'hésitez pas à apporter des précisions, à me reprendre. Si, donc en préambule, parce que je me suis rendu compte en écrivant le livre, et puis moi déjà en me documentant, je connaissais très bien la période, parce qu'on connaît un petit peu on connaît la commune plus ou moins, c'est pas le grand public, la commune est un petit peu connue quand même, mais l'histoire du siège de Paris est complètement déconnue. Et pourtant, elle est très liée avec la commune, parce qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi la commune a éclaté. Ton déco se trouve un petit peu dans le vécu des Parisiens pendant les 5 mois de siège. Et donc, il faut un petit peu comprendre pourquoi la guerre franco-prussienne a commencé. Donc, je fais un petit résumé historique, je ne suis pas un historien, mais je fais selon mes connaissances. Et donc, on était sous le Second Empire, donc Napoléon III, du film de 1871, je pense que c'est là. Et depuis quelques années, c'est vrai que la tension sociale était de plus en plus forte, le mouvement ouvrier commençait un petit peu à se structurer. L'international existait depuis 1864. Je crois qu'à cette époque-là, il y avait à peu près 60 000 adhérents, donc c'était pas encore très important, mais ça commençait vraiment à prendre un petit peu. Et donc c'est vrai que alors Napoléon III avait laissé un peu plus de souplesse aux ouvriers, les unions ouvrières étaient autorisées. Et puis, par contre, les grèves étaient toujours interdites. Et donc il y a eu des grèves sévèrement réprimées, entre autres à la Camarie, où il y a eu 14 morts, à Aubin, dans l'Aveyron, où il y a eu aussi à peu près le même nombre de morts, dont des femmes et un enfant. Au Creusot, où les grévistes ont eu pas mal d'années de prison aussi. Donc la situation sociale est de plus en plus tendue vraiment à ce moment-là. Et, et donc c'est vrai qu'il y avait aussi l'assassinat de Victor Noir, qui était un journaliste par un membre de la famille Napoléon. Il y avait une manifestation de 200 000 personnes à Paris au mois de janvier, je pense, 70. Donc c'est vrai que ça commençait un petit peu à bouger au niveau des mouvements de gauche, dans le monde. Et donc, autour de Napoléon, c'est vrai qu'on commençait un petit peu à s'inquiéter. Donc très souvent, quand ça va mal à l'intérieur d'un pays, on essaie de déclencher une diversion à l'extérieur, donc on ne va pas déclencher une guerre. Donc on compensera ses conséquences et pas trop coûteuses en or. Et comme la Prusse prenait de plus en plus d'importance, donc on pensait un petit peu à la Prusse et les Prussiens, de leur côté, voulaient unifier tous les États allemands qui existaient, parce que c'était une mosaïque d'États allemands, l'État qui n'est pas l'Allemagne, donc on la connaît maintenant. Et donc les Allemands avaient déjà unifié une partie des États allemands pour une première guerre contre l'Autriche. Et puis ils souhaitaient vraiment unir l'Allemagne. C'est vrai que la France était un petit peu opposée à ça. Et à ce moment-là, le trône d'Espagne était devenu vacant, donc c'est un prince prussien, le prince de Hohenzollern, qui a postulé. Mais les Français ne voulaient pas qu'il y ait une alliance entre l'Allemagne et puis l'Espagne, de se retrouver comme ça entre les deux pays. Donc ils ont demandé à ce prince de ne pas postuler au trône, donc ce qu'il a accepté. Mais les Français ont insisté, donc à l'époque. Guillaume, donc le roi de Prusse, était en séjour à Enns. Et c'est une première fois français qu'il ne voulait. Il était d'accord pour ne pas. Le prince ne prenne pas le trône d'Espagne. Mais les Français ont insisté, donc ils ont envoyé un ambassadeur, alors, qui a été reçu un petit peu dérobé par le roi de Prusse, qui lui a redit qu'il n'aurait pas cette alliance. Mais donc les Français ont été un petit peu insistants. Donc là-dessus, le roi de Prusse a envoyé un résumé à Bismarck, son premier ministre, en lui expliquant un petit peu la situation, ce qui s'était passé. Et Bismarck, là-dessus, a fait une dépêche, ce qu'on appelle la dépêche d'Ems, mais qu'il a rédigé un petit peu à sa façon. Et dans cette dépêche, il faisait passer les Français un petit peu pour agressifs, insistants. Et il laissait entendre aussi que l'ambassadeur français avait été. On va dire mal reçu ou éjecté, enfin les termes étaient un petit peu durs, et ça a suffi à déclencher en fait la guerre franco-prussienne que les Français ont déclaré en juillet. Donc comme les Français cherchaient un prétexte pour déclencher une guerre contre une nation, c'est un thème tout bête en fait, la raison est toute bête, parce qu'ils n'ont pas été agressés par la Prusse pour des territoires ou quoi que ce soit. Donc, les Français, très confiants, pensaient que la guerre ne durerait pas longtemps, sauf que l'armée française n'était pas du tout préparée. Alors les Allemands avaient fait une première guerre contre le Danemark dans la décennie précédente, et qu'ils avaient gagné, donc contre l'Autriche aussi, et les Allemands étaient beaucoup plus près que les Français. Donc début août, ça a été une première défaite, je crois, le 4 août, et puis après, les défaites se sont enchaînées. Ça s'est terminé, tout au moins pour l'Empire, le 2 septembre, quand Napoléon III s'est retrouvé avec le général MacMahon, prisonnier à Sedan. Donc c'était un peu une cuvette, Sedan, et donc l'armée française a été vraiment acculée, et c'est vrai que là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc Napoléon s'est rendu, mais pour autant n'a pas déclaré la guerre terminée. Donc les Prussiens étaient un petit peu embêtés de ce fait. Et deux jours plus tard, donc, alors j'ai appris entre-temps qu'apparemment la République avait été prononcée, enfin déclarée à Marseille et à Lyon avant Paris, je crois, dès le 3, Marseille et à Lyon sont déclarés la Troisième République. Et à Paris, donc c'est le 4 que la Troisième République est déclarée. Et alors ce sont des républicains, enfin des députés parisiens, on va dire roses, quoi, donc on va dire voilà, des députés bourgeois, voilà, qui se sont empressés de se déclarer gouvernement de la défense nationale pour couper l'herbe sous le pied, on va dire, aux rouges, qu'ils appelaient les rouges, qui plus tard ils appelleront les Prussiens de l'intérieur. Donc, on va dire, les vrais partis de gauche de l'époque. Donc, il y a des gens que tout le monde connaît, comme Jules Favre. Alors, il y avait ce qu'on appelait le gouvernement des Jules. Il y avait Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, et le chef du gouvernement, Jules Trochu, qui était aussi le chef des armées et le préfet de Paris, qui avait toutes ces casquettes-là. Et voilà, donc, ils se sont déclarés gouvernement de la défense nationale. Et en fait, ils n'ont pas défendu grand-chose parce qu'ils avaient tellement peur de la gauche parisienne qu'ils ont tout fait pour ne pas lutter. Ils auraient voulu signer une armistice le plus rapidement possible avec les Prussiens pour que les Prussiens puissent éventuellement venir dans Paris et puis voilà, calmer un petit peu toutes les aspirations éventuelles, quoi, de la gauche. Et donc à partir de là, alors il y a une autre partie de l'armée française qui est prisonnière, enfin, qui est encerclée à Metz, et quand même 170 000 hommes très, très bien armés, donc c'était le général Bazaine, et qui finira par se rendre sans avoir beaucoup lutté. Et alors, selon ce que j'ai pu, moi je suis souvent en référence à Henri Guillemin, mais c'est vrai que lui en parle un moment, et Bazaine aurait essayé de négocier avec les Prussiens pour repartir plutôt sur Paris pour apporter l'ordre public, on va dire, plutôt que de lutter vraiment contre les Prussiens. Et voilà, donc entre-temps, les armées allemandes ont commencé à se rapprocher de Paris. L'investissement a commencé le 17 septembre. Et dès le 19 septembre, les Prussiens et les Bavarois, le royaume de Bade, je ne sais pas comment on prononce, et le royaume de Wurtemberg, enfin, il y avait quatre états allemands qui étaient coalisés. Et donc voilà, ils ont pu investir, alors pas Paris même, parce que ce qui correspond à Paris aujourd'hui, par exemple, périphérique, c'est là où étaient les remparts. Et tout autour de Paris, il y avait des forts, il y avait 15 forts, certains qui étaient construits près de Paris, à 3 ou 4 km, les autres un petit peu plus loin. Et donc les Allemands étaient au-delà. Et alors, on pourra revenir sur le sujet plus tard, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils étaient. Il y a déjà eu plus de 170 000 Allemands, et il y avait quand même 500 000 combattants à Paris, quoi. Et bon, on sait que ça, on l'a su après, mais les Parisiens n'ont jamais compris la chose pendant le siège, parce que les informations étaient très contradictoires, mais personne n'a cherché à lutter. Donc voilà, moi, le roman se situe sur la période du siège, donc qui dure donc du 19 septembre jusqu'au. Ça se termine le 28 janvier 71, où l'armistice est signé. La guerre définitive sera la fin de la guerre sera pour le mois de juin. Et voilà, donc moi, le roman se situe durant cette période, et plus particulièrement à partir du 14 novembre, où pour la première fois, les armées françaises ont remporté une victoire du côté d'Orléans. Et parce que Gambetta, alors tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Gambetta, qui est parti en ballon depuis Paris au mois d'octobre. Gambetta avait été missionné de rejoindre deux ministres qui devaient réorganiser les armées en province. Et donc Gambetta était parti en ballon. Donc il y a aussi toute une histoire autour des ballons. Et donc c'était un peu rocambolesque parce que son ballon est tombé dans un arbre, les Prussiens étaient pas très loin, enfin ils ont failli être prisonniers. Et Gambetta a réorganisé les armées dans le reste de la France. Et puis c'est vrai que le cours de la guerre a un petit peu changé. Et il a pu reconstituer une armée, et selon des sources américaines et anglaises, à la fin du mois de janvier, près de 1 500 000 hommes étaient prêts à reprendre les combats, mais entre-temps, l'armistice avait été signé. Donc voilà, donc moi, le roman commence le 14 novembre, où la population est en effervescence, parce que c'est la première victoire depuis le mois de juillet. Et voilà, alors moi je me suis beaucoup attaché au quotidien J'aborde un peu le côté ce qui se passait dans les clubs politiques où la commune était déjà réclamée, on sentait que ça commençait à bouillonner pas mal. Et donc ça a été le quotidien qui m'a beaucoup intéressé. Il faut savoir que cet hiver-là, les températures sont descendues jusqu'à des moins 18. La Seine était gelée, le bois commençait à manquer assez rapidement. La nourriture, donc voilà, moi ça, c'est un petit peu le thème du livre. Et donc on suit tout ça à travers une bande de gosses, dont une petite fille qui s'appelle Célie, qui a une dizaine d'années, et qui a recueilli un chien qui va devenir convoité par tout le monde, parce que les chiens finissaient aussi chez le boucher. Et donc c'est un petit peu, la trame, on va dire, c'est une lutte de la gosse avec son chien pour éviter qu'il se fasse... qui se passe manger. Donc il y a une bande de gamins qui habitent dans un autre côté du 13e qui eux font commerce qui font la chasse aux oiseaux, aux rats, aux chats, aux chiens, et donc ils essaient à plusieurs reprises de lui prendre son animal. Donc voilà, donc à travers eux et à travers les adultes, à travers son père, parce que sa mère est restée bloquée en province et que les lignes de chemin de fer ont été fermées. Et donc voilà, donc on suit les adultes, les voisins, ça permet de suivre un petit peu aussi les différentes batailles qui ont lieu autour de Paris. On a vu trois importantes, une début décembre du côté de Champigny, une autre fin décembre et une autre fin janvier, qui ont toutes tourné en la défaveur des Parisiens. Et voilà, donc moi c'est un petit peu c'est le thème. Alors peut-être que je vais peut-être lire un petit extrait pour vous donner un petit peu le ton. Je ne suis pas un très très bon lecteur, donc je me un peu d'indulgence. Voilà, là c'est le début. Alors ce qui est étonnant, c'est que, je l'évoque un petit peu, c'est quand la guerre a été déclarée au mois de juillet, il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait des manifestations pour la guerre, où tout le monde était persuadé qu'on allait aller à Berlin, les mains dans les poches. Et les quelques personnes qui manifestaient contre la guerre, en général, se faisaient molester par les autres. Certains étaient même arrêtés, donc il valait mieux être un battant de guerre. Donc, alors là, la scène, la gamine vient d'échapper à un premier vol de son chien par la bande à galoche qui habite de l'autre côté de la butte aux cailles. Et donc là, elle se réfugie le long de la Bièvre. On pourra en parler tout à l'heure, la Bièvre qui est une rivière qui a disparu. Donc là c'est le début, puis après je pense que je lirai une partie du passage de Chine. Donc elle s'arrête près de la Bièvre avec son chien. Les pensées va saillir. Elle se remémora ce bel après-midi d'été, la chaleur de ce jour de juillet, lorsque les esprits s'étaient échauffés, et les fanères de l'empereur lui déclaraient la guerre au passé. La guerre n'était alors pour elle qu'un mot abstrait, une exclamation poussée par la foule à travers les rues. Cela ne signifie rien de plus que ce moment d'effervescence. Elle revit les manifestations d'enthousiasme, de joie. Elle entendit, comme c'était hier, les hommes et les femmes qui criaient « À Berlin, vive la guerre !» Elle se souvint de ces bandes d'hommes en blouse blanche qui défilaient tous les soirs, drapeau en tête, et hurlaient plus fort que les autres de leurs aspirations guerrières. Ils portaient à bout de bâton des lanternes carrées autour desquelles étaient plaquées, sur chaque face, des bouts de papier où on pouvait lire le refrain de cet été. « À Berlin !» Toute la ville semblait sous l'emprise d'une soudaine monotonie, se ruer à Berlin. D'autres personnes, eux, avaient manifesté en criant « Vive la paix !» La foule, résolue à voyager jusqu'en Prusse, les avait violemment prises à partie. Plusieurs avaient été arrêtés après avoir été molestés. Célie avait bien vu quelques soldats en transit à Paris avant de partir vers les frontières de l'Est. Mais la guerre demeurait une abstraction. Les journaux en parlaient, les badauds commentaient les articles, mais c'était si loin. Et puis le conflit était devenu plus concret. Lorsqu'à la mi-septembre, la circulation des trains fut interrompue. Visiblement, les Prussiens avaient eu les mêmes envies de voyager que les Parisiens. Ils étaient arrivés près de la ville Lumière avec armes et bagages, bien avant qu'aucun Français ne voie Berlin. Et ils s'étaient installés tout autour, empêchant quiconque d'entrer et de sortir. Voilà, donc ça résume un petit peu l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'il y avait un état d'esprit joyeux, quoi. On partait à la guerre. Et c'est vrai que même du côté du gouvernement, parce que je sais plus si c'est là ou c'est un petit peu plus loin, ils étaient persuadés que ça allait être rapide. Il y a un ministre qui disait que tout le monde était prêt jusqu'au moindre bouton d'uniforme. Et donc finalement, ça allait tourner à la catastrophe. Et donc là, comme mes sources ont été principalement des lectures de témoignages qui étaient tenus au jour le jour. C'était surtout ça ma source de documentation, assez peu de livres historiques, enfin pour l'essentiel. Et donc il y a un des personnages qui s'appelle Achille, qui est un cordonnier. Alors les cordonniers, c'est vrai qu'ils avaient fondé des sociétés secrètes ouvrières à l'époque où c'était interdit. Donc Achille est un de ces personnages qui a fait de la prison pour ses activités politiques. Donc il est assez âgé, mais il continue pendant la guerre, parce qu'il y avait, alors tout le monde connaît les godillots. En fait, godillot, c'était vraiment quelqu'un qui produisait des chaussures de très mauvaise qualité. C'est pour ça que c'est resté, je pense, dans le langage courant, les godillots. Et c'est un ami de l'empereur. Et très souvent, ben, les chaussures partaient un peu en morceaux. Donc Achille, je crois que je ne sais plus c'est Favre ou Ferry qui incitait les cordonniers à reprendre leur métier justement pour que les chaussures soient retapées. Et c'est vrai que les soldats n'étaient pas super, super bien équipés, quoi. Surtout les mobiles qui venaient un petit peu de partout en France, hein, pour soutenir les Parisiens. Donc bon, enfin, ça j'ai un petit peu plus long, mais voilà. Donc là c'est la première personne, donc c'est Achille qui tient son journal. Et là c'est plus pour avoir une idée de l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans la ville, sachant que le gaz peu à peu était coupé, réservé principalement aux ballons. Et alors au début c'était une ampoule, enfin pas une ampoule, mais une lumière sur trois qui était allumée, et puis peu à peu c'était plus aucune, donc les rues étaient toutes noires. Voilà. Alors, le froid s'est installé. Il est terrible. Les températures sont descendues loin en dessous de zéro. Les hommes continuent de mourir aux avant-postes. Les cas de congélation sont nombreux. Même au rempart, plusieurs gardes ont succombé. Loin des bases allemandes, les températures extrêmes se chargent de leur ôter la vie. Le gouvernement, relayé par divers journaux, publie des conseils pour lutter contre le froid. Mais les corps souffrent de ne trouver que trop dans le confort du feu. Au bastion, les gardes se pressent autour des bras zéro. Ils boivent beaucoup de café. Certains ne lésinent pas sur l'alcool, paraît-il. Il leur réchauffe le ventre et échauffe quelques têtes parfois. Dans Paris, les plus faibles ne résistent pas. De nombreuses personnes sont mortes de froid. Une femme, après avoir fait la queue pendant des heures pour du pain, à son retour a retrouvé son bébé mort gelé dans son berceau. Le charbon est maintenant hors de prix pour les plus pauvres. On se chauffe avec parcimonie, au plus du tout. Les vitres des habitations sont couvertes de glace, au dehors comme au dedans. Beaucoup suffoquent en faisant brûler du bois vert qui dégage une infecte fumée et les oblige ensuite à ouvrir tout grand des fenêtres pour l'évacuer. D'aucuns, m'a-t-on rapporté, ont eu l'étrange idée de placer une bougie dans leur poêle, qu'ils fixent des yeux en imaginant qu'un feu ardent y brûle. On a commencé à abattre les vieux arbres, on coupe les branches des plus jeunes. Quelques-uns dépècent les écorces, fouillent le sol pour racines qu'ils arrachent et qu'ils revendent 50 centimes le petit fagot. Des bois ont disparu de certaines rues. Tout objet en bois laissé sans surveillance est vite découpé et jeté au fond d'un poêle ou dans l'âtre d'une cheminée. La viande fraîche se raréfie. Seuls les chevaux en fournissent encore. Mais leur nombre ne cesse de diminuer. On s'est habitué aux salaisons, à la morue, aux harengs ou aux repas sans viande. On commence à manger du pain bis. En dehors des cantines, des fourneaux économiques, des boucheries et des boulangeries, le moindre aliment atteint des prix démesurés. Quelques commerçants s'adaptent à cette situation. J'ai ainsi vu un coiffeur vendre des conserves de légumes, un bijoutier proposer de la viande salée, un parfumeur installer devant sa vitrine un étal de pommes de terre, d'oignons et de choux. De mémoire de vieux parisiens comme moi, jamais la ville n'a été aussi triste, triste comme les visages que je croise dans les rues sombres et froides. De rares quinquets projettent sur le sol l'ombre de leur furtive silhouette glissant sur la neige. L'insuccès de la bataille de Champigny a affecté les esprits. Le silence retrouvé après ces derniers jours de furieuses canonnades décontenance et inquiète. Dans le brouillard, sous les flocons de neige, j'ai croisé de nombreux convois funèbres, lents et silencieux. Comme les chevaux manquent, les hommes s'y substituent en tirant et en poussant les corbillards. Et j'ai pleuré avec d'autres badauds lorsque nous avons vu un homme se diriger à pied, tout seul, en direction du cimetière avec une toute petite boîte en bois sous le bras. La ville s'enfonce dans la nuit. Et pourtant, le peuple de Paris, je le sens, ne veut pas entendre parler de capitulation ou d'armistice. Après tant de souffrance, il est pour bien concevable de déposer les armes, plutôt mourir le ventre vide. C'est le ventre vide. Dans les rues, dans les cabarets, dans les clubs, on se réunit et on parle et on hurle à la trahison de Ducrot, qui est un général. Personne n'a compris sa soudaine retraite dans le bois de Vincennes. Là, je saute un petit passage. Tous ces soldats se sont battus bravement, guidés par des généraux incapables que je voue aux gémonies, ces reliques galonnées de l'Empire. Trochu, lui, étrangement, bénéficie toujours de beaucoup d'indulgence. La population lui témoigne encore une grande confiance. Peut-être parce que du temps de Badinguet, un des surnoms de Napoléon III, il a été mis au banc du pouvoir pour avoir osé critiquer l'armée impériale et son incurie. Et puis, surtout, Contrairement à certains hauts gradés encore en place, il n'a pas fait couler le sang du peuple en 1848. Il n'a pas massacré la révolution autour de Tsar. Il n'a pas les mains sales. Est-ce ce nom, Trochu, qui rassure les humbles, les humbles ? Ces deux syllabes un peu martiales que l'on prononce comme un nom donnerait un coup d'épée. C'est un patronyme tranchant, incisif, volontaire, aiguisé comme une lame qui fera immanquablement trembler l'ennemi. Je crois aussi qu'on admire sa prose inspirée, ses déclarations pleines de verve. Sa plume en a ensorcelé plus d'un. S'il n'était soldat, sans doute serait-il poète ou romancier, ce qui serait bien plus respectable. Il y a peut-être une forme de romantisme chez ce militaire. Ce qui plaît à la population, qui se fie toujours à lui et veut croire en la percée, à la victoire conjointe des armées de Paris et de province. Pour cela, elle est prête à endurer 1000 maux et à manger tous les rats de la ville s'il le faut. Donc là, ça résume un petit peu la situation à ce moment-là. Donc ça, c'était le 5 décembre, donc ça faisait déjà un peu plus de deux mois de siège. Alors Trochu, c'est vrai que Victor Hugo avait eu un mot très dur à son encontre. Il avait écrit Trochu par s'y passer du verbe trochoir. Et ça était fort pour les mots. Et Trochu est un militaire un peu particulier. Alors c'est vrai qu'il était assez aimé par le peuple parce que lui n'avait pas participé à la répression de la précédente révolution. Et surtout, le pouvoir l'avait un peu écarté parce qu'il avait écrit un livre où il critiquait l'armée, juste ce titre apparemment. Et donc c'est vrai qu'il avait un certain prestige. Et puis il écrivait bien, donc c'est un personnage un petit peu fou, un peu insaisissable, qui se reproche les insuccès, les imputait plus souvent à la météo. Parfois il faisait trop froid, il y avait trop de brouillard, donc c'était un personnage un petit peu particulier. Et donc là, c'est vrai que j'évoque la nourriture. Alors moi, ce que j'ai appris, c'est que les chevaux, à cette époque, à Paris, n'étaient pas mangés, puisque c'est un petit peu comme les chats, les chiens, hein, ça faisait partie des animaux familiers avec lesquels on travaillait. Et donc, c'est à partir du siège de Paris que le cheval est entré dans l'alimentation. Parce que la première boucherie chevaline à Paris a ouvert en 1866, et en fait, ça ne plaisait pas vraiment à la population. La viande de cheval était considérée comme ce qu'on appelait la viande de tir fiacre. Elle était dure, elle était noire. Et donc, on a commencé vraiment à manger du cheval à partir de... Tout au moins pour Paris, ailleurs, je ne sais pas, mais pour Paris, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à manger du cheval. Il y avait plus de 100 000 chevaux, je crois, à Paris à cette époque. Et à la fin de la guerre, alors, c'était plus que 20 000, donc la plupart étaient mangés. Il y avait des scènes un petit peu difficiles. Moi, j'avais lu dans des témoignages des chevaux qui se faisaient tuer dans la rue par la population affamée, qui se faisaient dépecer sur place. Ouais, c'était assez dur. Alors après, raconte aussi qu'eux, ils n'avaient rien à bouffer, les chevaux, donc ils mouraient en tirant leur écharpe et leur carrière. Ah, oui, voilà, c'était très faible. Ils mouraient dans la rue, quoi. Oui, ils n'arrivaient pas à l'abattoir, parce que le plupart était destiné à l'abattoir. Mais donc c'est vrai que les chevaux ont payé un tribut assez lourd, et tous les animaux, puisque c'est vrai que les chats, les chiens. Alors, il y a des choses qui sont assez drôles, entre guillemets. J'ai trouvé un document qui est intéressant, c'est un livre de recettes qui a été écrit dans mon siège de Paris, dans lequel on trouvait des recettes à base de rats, de cheval, et donc il y avait toute forme de recettes. Et donc, je ne sais pas si ça s'est beaucoup vendu, mais ne serait-ce que l'idée de l'avoir édité, c'est assez. Alors là, il y avait des. Alors, il faut que je les retrouve, c'est au moment du 1er décembre. Alors, pour vous donner. Alors, il faut savoir que pour la nourriture, il y avait des. Le gouvernement en place a quand même créé des fourneaux économiques, des cantines. Il y avait des sociétés philanthropiques qui ont ouvert des lieux, des bourgeois assez argentés qui ont ouvert aussi des lieux pour. Donc, tout le monde a mangé, mais ce n'était pas une nourriture suffisante, parce que ça déclenchait beaucoup de maladies. Mais. Et en fait, beaucoup de commerçants ont aussi spéculé sur le monde de nourriture, parce que dès qu'il y avait une rumeur d'armistice, comme par hasard, sur les étals, la nourriture, ce qui était conserve, etc., réapparaissait. Et quand la guerre a été finie, dès le lendemain, il a fallu avoir une émeute, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait encore énormément de nourriture, et donc beaucoup de commerçants ont spéculé. Et alors, la viande, il en manquait, effectivement, parce qu'au début du siège, on a fait rentrer des moutons, des bœufs et des porcs, mais il y avait déjà près de 2 millions d'habitants. Alors les plus riches ont quitté Paris rapidement, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés dès qu'ils ont pu. Et par contre, les banlieusards, qui étaient des paysans à l'époque, parce que la banlieue de l'époque, c'est des villages, et eux sont rentrés dans Paris, donc il y avait déjà près de 2 millions d'habitants. Et donc forcément, la nourriture a vite commencé à manquer. Parfois, je retrouve le passage... Le menu. Alors, il y a un menu. Alors, il faut savoir que dans les beaux quartiers, on a toujours très bien mangé. Moi, j'ai beaucoup lu Goncourt, qui a écrit des choses ignobles. Bon, c'est bien écrit, mais c'est assez ignoble ce qu'il écrit sur le peuple en général. Et Goncourt a toujours très, très bien mangé. Et là, j'ai Goncourt et puis d'autres, non. Alors là, c'est une petite anecdote, et ça, j'aime bien la dire. Parce que, oui, ils mangeaient chez Brévan, qui était un restaurant très, très chic du côté du boulevard des Italiens, je crois. Et j'espère que je le retrouve. Ouais, je crois que c'est là. Donc, comme Renan, Goncourt et quelques autres mangeaient régulièrement dans ce restaurant, à la fin du siège, ils ont fait frapper une médaille qu'ils ont remis au restaurateur. Et sur la médaille était écrit « Pendant le siège de Paris, quelques personnes ayant accoutumé de se réunir chez M. Brévan, tous les 15 jours, ne se sont pas une seule fois aperçus qu'elles dînaient dans une ville de 2 millions d'âmes assiégées. 1870-1871. » Voilà. Alors, c'est vrai, si jamais on a un petit peu de sympathie pour Renan ou pour Goncourt, c'est vrai, ça... Voilà. Mais bon, eux ont toujours bien mangé. En fait, c'est les premiers à critiquer les gardes nationaux. Donc, il y avait des gardes nationaux bourgeois, mais la plupart venaient de l'Est parisien, enfin du Paris populaire. Et sur les 250 000 ou 280 000 gardes nationaux, parce que tout le monde s'engageait dans les gardes nationaux, parce qu'il n'y avait plus de travail, donc il fallait manger, il fallait vivre. Et la solde était d'1,50 franc. Sachant que le salaire moyen des ouvriers devait être de par jour, ça devait être de 3 à 4 à 5 francs en fonction des métiers. Quoi. Et les épouses légitimes, celles qui épousaient les gardes nationaux, avaient une allocation de 75 centimes. Et donc il y a eu ce qu'on appelait les mariages à 30 sous, parce que dans le milieu populaire, on ne se mariait pas. Et donc là, il fallait officialiser son union. Et donc il y a eu énormément de mariages qui se sont faits les mêmes jours dans les mairies. On appelait ça les mariages à 15 sous. Et donc voilà, donc les gardes nationaux étaient très décriés par la bourgeoisie, leur reprochant de boire, mais c'est vrai que quand il fait froid, un petit peu d'alcool, ça peut aider. Et puis c'est vrai qu'ils s'ennuyaient un petit peu sur les remparts, parce que les gardes nationaux ont très peu participé au combat, ce que eux voulaient faire. Alors ça... Bon appétit hein, pour si pour moi il y a une chose, je suis végétarien, il y en a peut-être d'autres, mais ça. Voilà. Alors ça, donc le lendemain de Noël, le restaurateur Tortoni, donc café fréquenté par le Paris mondain, situé à l'angle du boulevard des Italiens, de la rue Taillebout. Le restaurant Tortoni célébra le 100e jour du siège en proposant à sa clientèle, donc ils ont quand même célébré le 100e jour du siège, à sa clientèle un menu qui lui fait saliver d'envie plus d'une bouche affamée. Bon appétit, je dis que ça va être moyen de l'eau. Tête de veau, sauce verte, tortue à l'huile, filet de bœuf, sauce poivrade, pommes sautées, 7 bandelets, salade de légumes, sorbet, rhum et quiche, entremets sucrés, soufflé de nonne, beignet de pommes, dessert, pommes, poires, biscuits, mendiants, fromage, vin, café et liqueur. Donc, globalement, on mangeait quand même bien chez Tortoni et chez d'autres. Et là, donc, un petit peu pour faire le contrepoint, aux avant-postes, en dépit du froid, les gardes mobiles, donc les gardes mobiles, c'est un peu une armée de réserve, et il y en avait près de 100 000, donc, qui étaient venus un peu partout en France, et puis les gardes mobiles de Paris, de la région parisienne, les gardes mobiles n'avaient pas perdu leur sens de l'humour, et s'étaient amusés de leur côté à préparer un menu tout spécial pour le réveillon de Noël. Menu de notre réveillon du 24 décembre. 1870, avant-poste de Nanterre. Hors d'œuvre, sardines sans sergent, pas de beurre, pas de radis. Entrée, filet de cheval aussi cuit que possible. Sortie, s'adresser au général Trochu, parce que Trochu n'effectue aucune sortie militaire, donc rôti, cuisseau de rat à la crapaudine, côtelette de chien, sauce verte, entrecôte de chat à la bordelaise, légumes, on en avait jadis. Entremets, bombe du Mont Valérien, dessert, tout ce qu'on peut désirer en imagination, il y aura beaucoup de café. Voilà, donc parce qu'il y avait beaucoup de café, le café n'a jamais manqué dans cette période, le vin n'a jamais manqué dans cette période, il y avait des grandes réserves de vin. Donc voilà, ça illustre un petit peu les conditions des plus pauvres, des plus modestes. Alors, il y a eu un marché aux rats à Paris qui existait sur la place de l'Hôtel de Ville. Et ben, je lirai un passage, genre, j'ai imaginé ce que ça pouvait être. Alors, moi, dans tous les témoignages que j'ai lus, il y a un seul témoignage qui prétend le contraire. C'était un Suisse qui s'engageait dans la garde nationale. Et selon lui, lui n'a connu personne qui a mangé de rats. Moi, j'ai vu pas mal de témoignages différents. Mais je pense que c'était beaucoup en pâté. Parce que j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui avait acheté une conserve. En fait, on voyait la peau de la souris qui dépassait. Oh. Moi, je suis désolé, mais c'est vrai que c'était un petit peu. C'est, voilà. Ils ont bouffé tout le temps. Alors, en partie. Alors là, j'ai un document. Là, ça ne meurt pas de froid, le rat. Pardon ? Ça ne meurt pas de froid, le rat. Ah, bah, c'est résistant. Donc, et puis, ils en avaient recensé plus de 25 millions de spécimens. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore du rat à manger. Mais je reviendrai sur le passage du rat après. Mais à propos de. Ça fait ça le développement. Je veux que le développement du rat. À propos du zoo, parce que. J'ai pris des animaux qui ont. Alors, il faut savoir, c'est qu'à Paris, il y avait. Le zoo de Vincennes n'existait pas à l'époque. Donc, il y avait le jardin d'acclimatation du bois de Boulogne et le jardin des plantes. Et en fait, les animaux qui étaient au jardin d'acclimatation du bois de Boulogne sont partis. Alors, certains ont été vendus en province ou à l'étranger. Ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir de Paris ont été placés en pension au jardin des plantes. C'est ceux-là dont les fameux castors et pollux, les éléphants qui ont été tués et mangés dans les bois quartiers. Ce sont donc les animaux qui appartenaient au jardin d'acclimatation qui ont été vendus. C'est une conclusion qui est faite là-dessus. Et là, donc, parmi les documents que j'ai pu trouver, donc, je peux vous dire un peu les animaux qui ont été les prix et les acquéreurs. Donc là, on a 18 octobre, pourtant, bon, c'était, il y avait qu'un mois que ça j'avais commencé. 18 octobre 70, M. Courtier. Un zèbre nain, 350 francs. Deux buffles, 300 francs. Monsieur Lacroix, deux cerfs d'Aristote, hein, je ne sais pas ce que c'est les cerfs d'Aristote. 12 carpes, 150 francs. Deux yaks, 390 francs. Trois oies, 60 francs. Un petit zèbre, 400 francs. Un lot de poules, canards, etc., 662 francs. Un lot de canards, 115 francs. 11 lapins, 100 francs. Alors je vous dis, 11 lapins, 100 francs, sachant que les gardes nationaux touchaient 1,50 euros par jour. Ça permet de. T'as dit 1,50€. 1,50€, ouais, je suis pas cher, là. 1,50€, merci. Deux antilopes, Nilgo, 1,000€. Deux rennes, 800€. Un fond, Axis, 300 francs, pardon. Bon, vous faites la conversion. On a compris. Là, donc, deux cerfs, Watipi, 250, 2500 francs. Un antilope, Nilgo encore, donc 650 francs. Deux chameaux, 4000 francs. Un veau yak, 200 francs. Deux chameaux, 5000 francs. Deux éléphants, 27 000 francs. Ouais. Voilà. Donc, et alors, c'était assaisonné à toutes les sauces dans les restaurants. Quoi. Alors, c'était surtout dans l'ouest parisien, dans le centre parisien. Et c'est vrai qu'ils ont goûté à peu près à toutes les viandes. Quoi. Et les rats, alors, j'essaie de retrouver le passage sur les rats. Bon, les chiens, moi, j'ai eu des chiens, des dogs à la broche. Alors, il y avait aussi un homme, je l'ai vu deux trois fois, qui se promenait avec une charrette. Oui. Donc, il avait son cheval, la charrette. Et donc, d'un côté de la charrette, il y avait une pancarte, c'était écrit résistance à outrance, parce que c'était le mot des Parisiens, c'était résistance à outrance, mais ils voulaient résister jusqu'au bout, au contraire du gouvernement qui les a trompés. Et de l'autre côté, il y avait aussi une pancarte, boucherie, féline et canine. Et quand on se penchait, en fait, il y avait des cadavres de chiens. De chien. Alors j'essaie de retrouver, j'espère que je vais retrouver le passage de l'hôtel de ville. Il y a un petit peu de patience quand même. Là, je l'ai, voilà, boucherie, canine et féline, maison Carteret et compagnie, achat d'animaux, rue Curial, 6, la Villette. On ne traite qu'avec les propriétaires, prix convenable. Vente de viande au marché Saint-Germain, numéro 480. Alors il faut savoir que bah, beaucoup de particuliers ne pouvaient plus nourrir leurs animaux, les chats et les chiens. Donc ils allaient les vendre et parfois ils faisaient venir les bouchers carrément chez eux pour les acheter. Donc c'est vrai qu'il y a des scènes et des images que vous connaissez peut-être, on voit des cadavres. Mais je vais essayer de trouver, alors c'est pas celui-ci, il y a deux scènes qui sont un petit peu difficiles là-dessus. Je vais essayer de bien noter ça, mais C'est pas ça. Ça c'est alors, moi, la fronde sur les paysans en chambre, il y a ce qu'on appelle les paysans en chambre, parce que les paysans qui étaient à l'extérieur de Paris se sont réfugiés derrière les murailles. Et souvent, ils occupaient les appartements qui ont été délaissés par les plus riches qui sont partis. Mais ils venaient avec les animaux. Donc, on a trouvé dans un quatrième étage une vache, un veau au bout de quelques semaines. Et puis, on trouvait des cochons, des canards. Donc, il y avait ce qu'on appelait les paysans en chambre. C'était un petit peu la ferme qui était reproduite en appartement. Donc, j'arrive pas à retrouver le passage. Passage que je dirais peut-être qui est intéressant ici à propos des marché au rat, voilà, ça j'ai marché au rat. Alors, bon, c'est un petit peu d'après mon imagination. Souvent, je me suis quand même basé beaucoup sur ce que je lisais, j'essaie pas de reproduire, mais d'interpréter ce que je disais. Là, j'ai dû un petit peu imaginer, mais bon, ce marché a réellement existé. Donc là, c'est la bande, la fameuse bande à galoches là, qui font. Parce qu'il y avait un jeu qui s'appelait la galoche, on portait des galoches à l'époque, donc il y avait des chaussures, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Et donc, ils traversent une partie de Paris pour aller vendre les marchés, les rats sur les marchés. Donc, ils arrivent sur la place de l'hôtel de Ville. Donc, là, c'est un des enfants qui parle. Enfin, du regard, il embrassait le vaste palais où siégeait le gouvernement. Rien n'échappait à ses yeux. Il s'émerveillait de la hauteur des portes, des vastes porches, des très nombreuses fenêtres, de la présence de dizaines de statues dans leurs alcôves tout le long des étages. Des mobiles et des gardes nationaux se tenaient devant l'entrée principale. D'autres allaient et venaient à travers la place. C'était un mouvement incessant auquel se mêlaient de nombreux badauds, circulant entre les cavaliers et quelques voitures. Une partie de l'espace était occupée par le marché aux rats. On y trouvait pêle-mêle des boutiques ambulantes, des échoppes constituées de simples planches, des charrettes faisant office d'étal, des couvertures posées à terre. Ficelle, c'est le nom d'un des. Ficelle n'y prêta guère attention, toujours fasciné par la taille et la magnificence du bâtiment. Il en oublia d'aider ses camarades qui commençaient à installer leur matériel et leurs marchandises. Triple Fesse et Beauzieux, donc c'est d'autres surnoms des gosses, posèrent une large planche sur deux tréteaux. Galoche et Clair de Lune vidèrent plusieurs sacs où reposaient les cadavres des rats. Ils disposèrent ensuite quelques cages de bois enfermant des bêtes encore vivantes. Galoche, demanda Clair de Lune, voudrais-tu donc faire un tour sur le marché pour regarder le prix que pratiquent les autres? On fixera les nôtres un peu en dessous de la moyenne. Le grand se faufila entre les badauds, les curieux, les acheteurs, les vendeurs derrière leurs étalages. Il tomba vite sur son frère et ne put s'empêcher de lui appliquer une plaque sur la nuque. Et le temps ça, le reprochant de rêvasser alors que les autres avaient besoin de lui. Le voisin grogna en se massant à l'arrière du cou. Viens, faisons un tour, dit l'aîné. Ils s'approchèrent d'un vendeur entouré par une foule nombreuse. Ça, c'est un témoignage que j'ai eu, là, que je retranscris à ma façon. Les deux gosses réussirent à s'imposter jusqu'au premier rang. L'homme avait trouvé une singulière façon de trucider les Gaspards. Quand un client se présentait, il ouvrait la porte d'une cage où s'entassaient les rongeurs et n'en laissait passer qu'un dans une cage plus petite. Ensuite, il ouvrait celle-ci et, quand le rat tentait de fuir, un bull terrier se jetait dessus, le saisissait entre ses mâchoires puissantes et lui brisait les reins. Le chien le déposait ensuite au pied de l'acheteur qui n'avait plus qu'à se baisser pour le ramasser. Ah ouais, ça je l'ai vu vraiment assez... Ficelle, stupéfait par la scène, fixait l'animal avec admiration. Il se tourna vers son frère. Ça me donne une idée. Laquelle? Je te dirai plus tard. Galoche lui mit une nouvelle tape sur la nuque et continua à déambuler à travers le marché. Certains marchands dépeçaient les rats devant les clients, les éviscéraient et les découpaient en morceaux pour ceux qui le désiraient. D'autres proposaient leur viande rôtie à la broche, certains l'assaisonnaient, ajoutaient quelques herbes qui la parfumaient agréablement, ce qui ne manquait pas d'attirer de nombreux amateurs. Chacun essayait de se démarquer de son voisin. Un homme avait écrit sur une grande pancarte « Au rat goût de mouton ». Un autre présentait sur une table des recettes imprimées de son invention où les Gaspards étaient cuisinés à toutes les sauces. Plus loin, les pâtés de rats, de mulots ou de souris suscitaient l'intérêt des badauds. « La ville n'est pas prête de manquer de rongeurs », clama un vendeur. Le comité scientifique vient de déclarer qu'il existe quelques 25 millions de spécimens dans la capitale. De quoi manger pendant des semaines encore, mes amis. Galoche sourit en passant devant lui. « Une belle chasse en perspective », pensa-t-il. Quand les deux frères retrouvèrent leurs trois amis, Beauzieux poignait avec un bâton contre une cage à travers laquelle un rat essayait de le mordre. Tais-toi, tu vas finir à la broche, sur la ville. Voilà, donc ce marché a vraiment existé. Et il y a eu une sorte de dégustation avec les yeux, qui ont été faits par plusieurs personnes, les yeux bandés, donc il y avait de la viande de chat, de rat, de chien. Et en fait, c'est la viande de rat qui a eu le plus de succès. Mais moi, c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on assaisonne n'importe quelle viande, on peut la manger, parce qu'on a la peur de viande, quoi. Et, moi, j'ai pas essayé. Mais voilà, c'est vrai. Après, ce qu'on disait, c'est le problème en cas de survie, qu'est-ce que tu fais, quoi. T'as pour être végan ou végétarien. Ah, c'est bizarre, ouais. Il y en a, ils ont été jusqu'à bouffer leurs compagnons congelés après l'accident d'avion. Ouais, exact. Après, c'est l'instinct de survie, est-ce que tu vois tes théories, pas tes principes philosophiques. Ouais, là, c'est quand même... c'est pas le premier grand siège d'une grande ville de l'histoire, ça, comme ça. D'une ville de 2 millions d'habitants, Peut-être en Chine aussi, quand tout était déjà démesuré à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu des choses qu'on ignore. En Europe, oui, c'est clair que de ce niveau-là, c'était la première fois. Donc c'est assez surpris tout le monde. Quoi. Ouais, parce qu'au Moyen-Âge, c'était des châteaux, c'était des petites structures. Là, c'est quand même 2 millions d'habitants qui sont encerclés, qu'on peut rien à bouffer. Ouais, c'est impressionnant pour l'histoire. Alors après, les gens se sont adaptés, par exemple, parce que la ville, alors, le bombardement par les Prussiens a commencé, d'abord, ils sont installés, donc, il y avait un encerclement de 80 km, quand même, autour de Paris, et le bombardement des forts, d'abord, les Allemands ont commencé à bombarder les forts, je crois que c'est le 27 décembre, et la ville elle-même a été bombardée à partir du 5 janvier, et je crois que c'était aussi une des premières fois qu'on bombardait une ville comme ça, avec tels moyens. Parce que le gouvernement français et l'armée n'avaient pas fait nécessaire pour protéger le plateau de Châtillon, dont on pouvait facilement bombarder la ville. Donc les Allemands se sont emparés, ont pu canonner assez facilement. Et je ne sais plus pourquoi je parlais des canons. Mais voilà. Ouais, c'était une première aussi, c'est pour ça que tu... mais j'étais parti de... voilà, je suis passé des rats au canon. Mais voilà, moi, c'est un des aspects qui était intéressant sur la note. Ah oui, c'est vrai, voilà, merci, je retourne toujours sur mes pattes en général. Et donc, quand le bombardement a commencé, ça a créé des trous aussi à l'extérieur. Il faut savoir que l'approche banlieue a été quasiment rasée, les arbres abattus pour que le champ soit dégagé. Bon, et c'est vrai que les paysages de Paris de l'époque, là, de la banlieue, c'est assez étonnant, il y a quelques photos qui existent. Et en fait, dans les trous, on plantait des salades. Les gens plantaient des salades et voilà. Donc, alors, les plus prévoyants avaient quand même des conserves qui étaient stockées. Mais voilà. Donc, c'est vrai que ce côté-là, ouais, était assez intéressant. Et c'est pour ça, donc, les gens sont privés de tout, convaincus qu'on allait mener une percée. Et le fait d'avoir fait autant de sacrifices, que le nombre de morts a dû quadrupler, je crois, des maladies qui existaient. Donc ils se sont sentis trahis un petit peu par la bande à Trochu et puis au Jules Fabre et Jules Ferry. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres petites anecdotes. Des anecdotes intéressantes. Alors après, ce qui était intéressant aussi, c'est tout ce qui concerne les départs en ballon, parce qu'on connaît un petit peu le départ de Gambetta. Il faut savoir que... Alors, le ballon, bon, je ne raconte pas l'histoire, mais le ballon est présent pour le... voilà, je ne raconte pas, mais voilà, dans le fil de l'histoire, les ballons ont un rôle important. Et donc, il y a 65 ballons qui sont partis. Alors, ce n'était pas des ballons guérigeurs, parce que... si le vent soufflait du sud, on partait au nord. S'il soufflait de l'est, on partait à l'ouest. Et donc, il y a 65 ballons qui sont partis. Le premier au mois de septembre, je crois. Donc, il y a deux gares qu'ils ont fabriquées, la gare du nord et l'actuelle gare d'Austerlitz, qui s'appelait la gare d'Orléans à l'époque. Donc, il y avait Godard. Donc, Godard, c'était la famille qui était... c'est une famille d'aérostiers qui était à la gare d'Austerlitz. Et Nadar, le photographe, qui était aussi un aérostier, lui, qui était avec son équipe à la gare du nord. Et donc 65 ballons sont partis. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui n'ont pas eu de chance, qui sont partis en Prusse. Donc, bah, ils sont pas de chance, quoi. Un des plus rocambolesques, c'est un vol qui a eu lieu, je ne sais plus si c'est parti de la gare du Nord. Et donc, c'était. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'était vraiment. Il y a eu quelques aérostiers qui étaient dans les ballons, donc qui maîtrisaient un petit peu la chose. Et au bout d'un moment, en fait, on a. Parce que les forts qui étaient autour de Paris, c'était les marins qui étaient dans les forts. Et on a détaché les marins des forts pour les former au vol de ballon. Et en fait, la formation se passait dans les gares, on attachait les nacelles aux poutres des verrières, et puis les marins mimaient le jet de l'ancre, tout ça, la soupape, et c'était leur seule préparation, et quand ils partaient en vol, c'était vraiment la première fois. Et donc au début c'était deux jours, donc les Prussiens essayaient de tirer, mais c'est vrai que les obus n'arrivaient pas aussi haut, mais après pour éviter tout obus éventuel, on partait la nuit, donc ça c'était un peu compliqué. Et donc il y a deux aéroskiers qui sont partis, je ne sais pas si c'était une nuit ou en journée, je ne me souviens plus. Et puis à un moment c'était très très haut, donc ils ne voyaient pas ce qu'il y avait en dessous, ils entendaient une sorte de roulis, donc ils se sont dit ça doit être un train. Et puis au bout d'un quart d'heure, ils entendaient toujours un roulis, donc c'est un quart d'heure, c'est pas un train. Et puis à un moment, le ciel s'est dégagé et ils ont vu que c'était au-dessus de la mer. Mais ils ne savaient absolument pas où ils étaient. Et puis ça a duré un bon bout de temps et finalement, ils ont vu un paysage tout blanc et ils sont arrivés en Norvège en fait. Et vraiment dans un endroit complètement paumé, ils ont trouvé une cabane un peu isolée, donc il y avait un mec dans le coin, du bûcheron, etc. Et c'est devenu des héros en Norvège, il y en a un qui en a un petit peu abusé, qui a joué sur le truc. Et donc eux, c'est finalement assez bien passé. Mais qu'est-ce qu'ils partaient? Ils avaient quoi, du courrier? Alors le truc, c'était que alors la plupart, il y avait quelques ballons privés, mais la plupart c'était la poste en fait qui faisait partir les ballons. Et donc il y avait des lettres de correspondance, des dépêches, des journaux pour informer la province de ce qui se passait à Paris. Et en retour, donc c'était les pigeons qui revenaient sur Paris. Et alors ils les mangeaient pas? Ils savaient que les pigeons avaient quand même une importance, donc il paraît que les Prussiens avaient ramené des faucons, donc les pigeons, quand il fait froid et qu'ils volent un petit peu moins bien, ils ont du mal à se repérer. En fait, la photographie microscopique avait été inventée un petit peu avant, et c'est vrai qu'ils pouvaient mettre des milliers de dépêches, des centaines de dépêches sous le soleil des pigeons, et après il y avait un système de permettait d'agrandir les courriers, et après il y avait des gens qui les réécrivaient, qui après les distribuaient aux destinataires. Quoi. Et donc voilà, donc la correspondance se faisait comme ça. Alors après, il y a eu plein d'avancées. Dans les clubs politiques, les inventeurs, enfin je dis parenthèse, les inventeurs venaient aussi proposer leurs services. Alors il y avait des inventions complètement farfelues. Alors, parce que comme les ballons, on ne pouvait pas les diriger. Alors, certains imaginaient qu'on pouvait attacher des aigles devant et les appâter de la viande pour les diriger sur le ballon. Et avec un système d'aimant, d'autres avaient imaginé qu'on pourrait ravitailler Paris avec des ballons en faisant venir en mettant des animaux dans les nacelles, en les dirigeant sur Paris, en les centaines de. Bon, voilà, ça va super. D'autres imaginaient des sous-marins qui allaient partout bouger. Enfin, j'ai vu des trucs vraiment complètement farfelus. Et. Donc voilà, le système se faisait comme ça, de correspondance d'un côté à l'autre. Et puis, alors deux ballons se sont perdus en mer, un du côté d'Arcachon et l'autre au sud-ouest de l'Angleterre. Mais les autres réussissaient à aller au-delà des lignes prussiennes. Et les Prussiens, je ne sais pas si j'ai une image, et les Prussiens avaient inventé un fusil spécial pour pouvoir tirer très très haut, mais ça n'a pas fait de dégâts. Quoi. Mais c'est vrai que toute l'aventure des aérostés, c'est assez passionnant. Quoi. Et surtout partir dans des ballons quand on ne maîtrise pas la technique ou autre. Mais c'est vrai que le côté des inventeurs, ils inventaient des techniques aussi pour lutter contre les armes allemandes. Donc ils voulaient remettre au bout du jour le feu grégeois, là, donc il n'a pas dû être utilisé depuis le Moyen-Âge. Enfin, il y avait en général, ils étaient remerciés gentiment, on leur faisait comprendre que c'était sympa de participer au truc, mais ça n'avait pas aidé, ça n'avait pas beaucoup aidé. Quoi. Alors donc, c'est vrai que c'est une période qui est très très riche de ce point de vue-là. Moi j'ai tout appris en documentant. Quoi. Et alors, c'était hyper dur, mais c'est vrai qu'on apprend pas mal de choses. C'est ce petit détail du quotidien. Voilà, après, des choses un petit peu moins sympathiques, faire la queue quand il fait moins 15. Depuis 3h du matin pour sa portion de viande ou de pain. Alors le pain, ça j'en ai confirmation dans les documents que j'ai pu avoir, le pain, peu à peu on mettait de la paille dedans, ça avec le fait que ça passait mal, il était à gorge, on mettait de la poussière, on mettait, et le pire que j'ai vu, et ça a été confirmé par un des ministres, après la guerre, j'ai une conversation privée, et les eaux, les catacombes, quelques-uns ont été réduits en poudre et ont été mêlés. Et moi, c'est vrai que j'ai l'image, j'ai vu. Personne ne l'a vu. C'est vrai que le pain était noir, il était hyper dur à manger. Ah, ouais. Donc, voilà, de ce côté-là aussi était aussi intéressant. Alors après, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est de refaire un peu plus tard le pari du jeu. Alors, j'ai choisi le 13e. Alors, initialement, je m'étais plutôt dirigé sur le 5e arrondissement, je voulais un quartier populaire. Et le 13e, c'est intéressant parce qu'il y a une partie qui n'était pas urbanisée, où il y avait encore des terrains vagues. Et donc, il y avait justement la rivière, la Bièvre, qui est recouverte depuis 1905, je crois, qui est devenue une sorte d'égout. Et c'était une rivière qui servait au travail, donc qui a servi aux blanchisseurs, aux teinturiers. Et alors, j'avais lu qu'on encourageait les étudiants à uriner dans le truc, que ça donnait une particularité, que c'était vraiment bon pour le tissu et tout ça. Donc, et après, il y a eu les tanneurs, les mégissiers qui sont installés là, et tout était rebalancé à la Bièvre. C'est vrai qu'il paraît que le quartier sentait fort, déjà un quartier de tanneurs. Mais c'est vrai que ça reste une rivière un petit peu mythique, quoi. Et puis bon, c'est vraiment un quartier populaire, avec la Butokai, où il y avait beaucoup de... enfin, les biffins, voilà, donc ça aussi c'est intéressant d'essayer de faire revivre ce... c'était en plein travaux ce manière, c'était en train de changer complètement le 13e arrondissement. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a fait pencher pour le 13e arrondissement, c'est les photos que j'ai pu voir, j'en ai vu de Charles Marville, qui a fait pas mal de photos à cette époque. Mais je suis tombé sur des photos de la Bièvre, c'est vrai que je trouve que c'est des paysages urbains qui ont disparu, hein, mais que je trouvais super beau. Et c'est pour ça que j'ai décidé de situer le lieu dans le 13e. Puis bon, le 13e étant toujours un quartier populaire et l'étant davantage à l'époque. Hein. Et voilà, quoi. Donc voilà, puis pour revenir un peu à ce que je disais au début, c'est vrai qu'on... on va dire que les prémices de la commune, c'est là, parce que les bataillons ont commencé un peu à se fédérer. On avait déjà élu quelques membres de la commune, on réclamait la commune depuis le mois de septembre, le mois d'octobre. La plupart des personnes qui étaient déjà très présentes, là, on va les retrouver comme membres de la commune quelques mois après. Et puis, il y avait le chef de la garde nationale, qui était Clément Thomas, et qui a passé son temps à dissoudre des bataillons, à condamner des chefs de bataillon, surtout le quartier de Belleville, qui était le quartier vraiment en pointe dans les idées, on va dire, révolutionnaires. Et Clément Thomas, ben, quand la commune va éclater, le premier mort, c'est, enfin, je ne sais pas s'il est mort, le garde national ou blessé, Turpin, mais Clément Thomas va être reconnu sur la Dupont-Marc, c'est le premier qui va être fait, parce qu'on sait tout. Voilà, déjà, il en a passé un petit peu lourd, mais c'est vrai qu'il a beaucoup, il a fait pas mal de mal à la garde nationale pendant le siège. Quoi. Mais donc voilà, c'est vrai que souvent on a demandé ce qu'il y aurait une suite. Je n'avais pas l'intention d'écrire une suite, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est tellement lié avec la commune que, bon, après, c'est vrai que c'est un travail un petit peu long de documentation. Et puis voilà, je voulais être assez précis, quoi, pour être fidèle quand même à être fidèle à l'histoire et pour raconter pas raconter le bêtis. Et c'est vrai que c'est une page de l'histoire qui est très méconnue. Et en général, les gens qui la découvrent, découvrent beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup d'illustrations, parce que donc, comme j'ai travaillé avec l'éditeur, s'appelle Thierry De Perrault, et qui, lui, publie une revue historique sur le 13e arrondissement, parce qu'il a une grosse collection de cartes postales. Alors donc, on a à la fois utilisé des documents qui sont libres de droit, maintenant qu'on trouve facilement beaucoup de reproductions d'illustrations. Là, on voit les déménagements, par exemple, de la rive gauche vers la rive droite, parce que la rive gauche est celle qui a été bombardée, celle qui était là, facilement atteignable par les Prussiens. Les gens s'installaient dans les caves aussi. Et puis des photographies aussi, pas forcément de l'époque, quelques-unes un peu d'époque, mais bon, alors c'est juste début 19e siècle. Et c'est vrai qu'il y a des vues de Paris qui ont complètement disparu maintenant, qui sont assez intéressantes. Et donc c'est vrai que d'avoir travaillé avec cet éditeur, ça a permis de faire un truc illustré plutôt bien, ça a permis visuellement de se plonger complètement dans le Paris d'époque. Après, c'est de faire le voile à ce gouvernement de la défense nationale, là, avec Jules Trochu, donc là, qui est là au milieu. Et puis tous les autres jeux. Alors, ils étaient douces, je crois. Et voilà, je crois que ça aide pas mal à s'opérer. Et voilà. Ça, on est sur un peu tard. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que. Moi, ce qui revenait, c'était quand même le rôle pour la communication, c'est les affiches où les gens se retrouvent. Ouais, les patins. Et que. Ouais. Un peu comme les Daddy Bauer. Ouais. L'information passait par là et, voilà. Et il y en avait qui ne savaient pas lire, bien sûr, les autres lisaient pour. Voilà, ben, la première scène, c'est ça en fait. Donc ça commence le 14 juillet et donc il y a l'annonceuse. Je cherchais le nom tout à l'heure, donc c'est la victoire de Poulmier. Et donc c'est une scène là où les gens se retrouvent devant un placard, devant une affiche. Et il y en avait partout dans Paris, donc parfois du gouvernement. Et d'ailleurs, je crois que c'est la seconde sortie, ou la troisième sortie, je crois. Le gouvernement avait refusé aux journaux de communiquer ce qui se passait. Et donc c'était le gouvernement qui communiquait uniquement avec les placards. Donc les gens n'avaient pas d'autres informations. Et donc c'est vrai qu'il y avait les journaux, mais c'était beaucoup. C'était pas la télé, c'était pas la radio, c'était pas Internet, c'était vraiment les placards et les affiches. Et donc il y a plusieurs scènes moi, qui reviennent comme ça, où les gens se retrouvent devant les placards à communiquer un petit peu ce qui se passe. Et voilà. Alors, après, il y avait une présence militaire un peu. Il y avait ce qu'on appelait les francs-tireurs. Donc ils avaient souvent des noms un petit peu martiaux, ils avaient des tenues assez étranges, ils ont des plumes, c'est très décoratif. Là, il y a les francs-tireurs des Ternes, guérillas de la Seine, les amis de la France étaient des étrangers qui combattaient. Et donc peu à peu ça a influencé les gardes nationaux, parce qu'ils étaient tellement froids qu'on trouvait des peaux de mouton, on trouvait des toiles cirées pour s'abriter. Donc les gens faisaient un petit peu comme ils pouvaient. Et voilà, alors, voilà, pour un truc, pour anecdote, voilà, moi, ma petite héroïne, en fait, j'ai fixé. Donc là, on a la lièvre qui coule ici. Là. Alors, ça, c'est marrant, ça s'appelle le cabaret de la mère Grégoire. Et le lieu existe toujours, mais c'est devenu un restaurant de spécialité basque. Donc, moi, j'avais situé là le lieu où habitait la gamine. Là, c'est le jardin des Gobelins, donc qui appartenait aux artistes de la manufacture des Gobelins. Et voilà, donc c'est vrai, quand j'ai vu cette photo, moi, je me suis dit, elle date de 1865, celle-ci. Et c'est là que j'ai voulu situer le lieu principal. Et la rue existe toujours, la rue Colbar, mais la bière, on la voit plus. Et le jardin des Gobelins, par contre, c'est un jardin, c'est plutôt un jardin qui est assez fréquenté. Et voilà, on retrouve un petit peu le cabaret d'Alain Grégoire. Et qui était fréquenté par Lamartine, ou tout ça à l'époque, c'était assez couru, assez fréquenté. Alors, ça s'appelle un hiver de chien, donc, parce que je commence par ça, vite, mais donc la petite Célie a adopté un chien qu'elle va appeler Floréal. Alors, pour la petite anecdote, moi je l'ai appris pareil, là, il y a eu une aurore boréale à Paris le 24 octobre 1870, à mon avis, c'était la dernière qu'on a pu voir à Paris. Et ce soir-là, les gens, ils ont demandé ce qui se passait, quoi, un ciel tout rouge, comme ça. On pensait que c'était les poussières qui brûlaient les forêts qu'il y avait autour de Paris, ou un truc s'enflammer comme ça. Donc tout le monde est sorti pour voir, et c'était une aurore boréale. Alors les gens ne savaient pas, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai lu, moi que je n'aurais même pas imaginé. Et il y a une femme qui à un moment a entendu aurore boréale, mais elle a compris aurore floréale. Elle a cru que c'est une aurore floréale, et la gamine, donc elle est là à un moment, et elle retient floréale, donc son chien va l'appeler floréale. Donc voilà, donc un hiver de chien, donc le chien c'est un petit peu le personnage. Voilà, le personnage. Ah oui, il y a du suspense, on se demande s'il va être bouffé. Alors, c'est vrai que c'est la trame, mais c'est vrai que c'est. C'est à la fois une œuvre d'imagination un peu fleuve, un peu feuilleton. Et puis en même temps, on apprend plein de choses. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est. Enfin, on sent la commune qui est arrivée derrière. Ouais. On sent la scission. Parce que, il y avait des réunions politiques pendant. Il y avait des clubs politiques. L'international, elle était là. Elle était déjà là. Alors après, elle n'était pas forcément. Il n'y avait pas énormément de membres. Il y avait entre autres. Alors là où j'ai situé l'image que j'ai pu faire voir avant l'immeuble, c'est là où est né. Ce que je confonds toujours. Émile Duval. Donc, qui est un proche de Blanqui, qui est un internationaliste. Émile Duval est né ici à cet endroit-là, dans la rue Coulbarbe. Et voilà, donc l'international a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Et les clubs politiques, le plus virulent, c'est le club Flavier qui était à Belleville. Et moi, il y a plusieurs scènes qui se passent dans le club de la rue d'Arras, qui était le club de la Patrie en danger. La Patrie en danger, c'était le journal qu'a tenu Blanqui pendant un certain temps. Et on l'appelait le club Blanqui, parce qu'on le retenait avec le nom de Blanqui. Et donc, les gens s'y retrouvaient, ils mangeaient, c'était vraiment très convivial. Et il y a un journaliste quelqu'un de gauche, mais qui allait dans tous les clubs politiques et qui a fait des comptes rendus à chaque fois de ce qu'il entendait. Et il voyait bien que les gens voulaient autre chose et voulaient se débarrasser de ce gouvernement. Alors, il y a eu une première tentative le 22 octobre, qui a tourné court. Et puis, après la bataille du 19 janvier, le 22 janvier, des gardes nationaux, surtout du 13e arrondissement, il y avait le 101e bataillon qui était très virulent, qui se sont retrouvés sur la place de l'Hôtel de Ville. Et là, le gouvernement a fait tirer les mobiles bretons. Et il y a eu plusieurs morts, dont des femmes. Et Blanqui a observé ça. Lui, il était dans un café du côté de la rue de Rivoli, parce qu'il était toujours à se cacher, parce qu'il était recherché en permanence. D'ailleurs, on le croise à un moment, on croise quelques personnages historiques dans le roman. Et Blanqui savait que ce n'est pas le moment de faire la révolution, que les gens étaient cassés. Après 5 mois de siège, les gens étaient. Voilà. Mais oui, tout s'était mis en place. Et puis, le ressentiment qu'il y a eu des 5 mois de siège, où ils ont compris qu'ils ont été trompés par ce gouvernement qui n'a jamais vraiment voulu faire la. La guerre, quoi. Donc, ouais, c'est ce que j'avais pu lire de la commune auparavant. Je m'arrêtais jamais sur le siège. J'avais pas compris l'importance que le siège a pu avoir après sur la commune. Mais la commune de Marseille et de Lyon, elles avaient eu lieu à quelle date? Tu t'en souviens, ça? Non, précisément les communes. C'était avant. Hein. Je sais pas. C'était plus court, de toute façon. C'est une semaine, je crois. Ça dure une semaine. On vous a beaucoup oublié dessus. Ouais, on a bien fait de les inspirer. Ouais, il y a eu Narbonne, il y a eu Saint-Étienne aussi. Ah oui, il y a eu plusieurs villes, ouais, qui ont. Bon, à Paris, ça dure un petit peu plus longtemps, parce que c'est un peu moins bien fini, quoi. Mais, je sais pas si vous avez dit. Des questions, si on a d'autres, on va discuter. Voilà, si on a des questions. Voilà, alors merci. Mais l'expression, par exemple, j'ai fait le froid de ce chien, ça vient de là. Ah ben, peut-être. C'est ça, quand j'ai utilisé un petit peu d'argot, mais pas trop. Il y a des dictionnaires argotiques qui existaient à l'époque. Bah, l'écrire en argot, c'est. T'as vite fait d'être pénible. J'ai pas trop voulu. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ce qui était argotique à l'époque est passé dans le langage courant, les expressions qui sont dans le langage courant. Parce que parfois, quand on trouve. Le beau vidéo, par exemple. Bah, voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Si, il y a un peu de bataille capacité, c'est. Oui. Ça tombe comme un gravelotte. Ouais, mais ça, c'est le début de. C'est, il y a eu une bataille, ils ont perdu, et il y a eu plein de morts. C'est un plein en Lorraine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc il n'y a pas Madrid, voilà, Godillo, ça reste de ça. Mais l'argot, c'est vrai que si. Moi, j'ai eu des bouquins où l'argot, on voit que c'est les gens qui pratiquent pas l'argot, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Les dictionnaires argotiques, il y en a qui ont été écrits, le dictionnaire Baradon ou machin, et ça évolue tellement vite que tu peux pas. Et à l'époque, bon, alors, il y a des expressions qui étaient drôles. Au début, j'en parle. C'est des chaises et la salle à manger. C'est la bouche et les dents. Et voilà, il y avait des trucs comme ça que j'utilisais parce que je trouvais ça assez. En gros, la bouche et les dents, je ne sais plus. Il y a deux expressions qui. Les chaises de ta salle à manger, donc c'est la bouche et les dents. Et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Ça revient un petit peu au même. Je ne sais pas à base de domino. Je ne sais pas. Ah oui, ta boîte à domino, c'était pareil, c'était la bouche. Mais j'en ai pas trop usé. D'animaux dans les castards, c'est pas assez connu. Ouais. J'ai appris le nom pour les moineaux, je connaissais pas, je sais plus comment c'est. Mais à un moment, t'as cité, il n'y a pas de. Et j'étais obligé d'aller chercher un dictionnaire. Ah, bah, tu vois, mais je sais plus où j'ai utilisé. Les moineaux, c'est la première fois que je voyais ça. Ah, bah, peut-être, ouais. Je l'ai pas noté. Ah, moi, je suis une espèce de podcaster. Ah, non, c'était. Après, dans un dictionnaire de français populaire, il faudrait que c'était le mot pour. Ouais, bah, là, je l'ai pas en tête, mais. Oui, qui bouffait les moineaux aussi. Oui, bah, ouais. Enfin, bon, je crois que beaucoup d'oiseaux sont. Attrapés avec de la glu. Oui, il y a des pièges où. Aussi pour des graves et les attraper comme ça. Des images par exemple de des pigeons, donc avec le procédé microscopique, là où là c'est reproduit en grand, voilà, c'est agrandissement. Et donc on en mettait normalement des pêches. Et c'est vrai que ça a développé des esprits très arrondis. Il y avait des boules de moulins, c'était des petites boules, donc ça partait de la ville de Moulins. avec des dépêches intérieures qu'on faisait rouler dans les rivières, sur le lit de la rivière. Mais je crois qu'il y en a aussi qui est arrivé, où on l'a retrouvé, mais longtemps. Ça sent le moulin, c'est pas la seule. Longtemps après. Mais je sais pas, ça partait de moulin en tout cas. Bah, alors, à Paris, bon, c'est la loi. je sais pas, mais c'est vrai que c'était des trucs de moulin, ça s'appelle comme ça. Donc, c'était peut-être des boules de moulin, mais qui partaient d'Auxerre. Je sais pas, mais c'est vrai que c'était le nom. Alors, c'est vrai que c'était pas gonflé, mais il fallait pas les retrouver. Mais j'ai pas assez vérifié ça, mais je pourrais les voir. Mais moi je regarde un peu dans les documents que j'ai, ça peut y avoir d'intéressant, mais ça c'est des choses qui m'ont servi. Ça c'est des trucs qui sont souvent cités, hein, c'était pas, bon, on ne sait ramener un peu sur notre territoire, mais les pièces de nos forteresses, mais c'est ça. Donc, c'est des choses plutôt pour moi. Alors, ça c'est marrant, ouais, il y avait au début de la guerre, ils ont produit des. C'est des figurines comme ça avec des cartes militaires, c'est les cartes de la guerre, donc des petites figurines qu'on plaçait comme ça. Et donc les Français, très confiants, ne dessinaient jamais la France, c'est que la frontière allemande et toute l'Allemagne, donc convaincus que les Français avaient fait aller vaincre là-bas. Et donc ça se vendait, ces petits trucs-là, c'était un peu comme des jeux de société. Donc ça, c'était les jupes de l'époque dans les journaux, donc, ce qu'ils vendaient, le café des Vendées. Il y avait des jeux de société, le siège de Paris. Ouais. Ah bah peut-être, ouais, mais j'ai un exemple. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est génial ça. Ça peut être inspiré de ça. Voilà. Ah ouais, ça date de. C'est récent ou c'est quelque chose de l'époque, de la fin du 19e. Ah ouais, bah, c'est une pièce précieuse ça. Oui. Ah ouais, c'est intéressant. Mais la formule c'était le danger vient de l'Est. C'était ça, ouais déjà. Toujours venu de l'Est. Les Prussiens, je ne comprends pas comment ça se fait que les Prussiens ont dû avoir peur d'envahir Paris. Bah, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jusqu'en Saône-et-Loire. Ouais. Hein, et puis ils se sont battus quand même contre les Français. Ouais. Et chaque fois ils étaient vainqueurs. Ouais. Non, il y a eu je crois que c'est pas des Garibaldiens qui ont gagné. Alors, il y a eu une victoire dans l'Est. Garibaldi, il était du côté de Dijon. Ouais, les troupes de Garibaldi ont quasiment remporté toutes les batailles. Il y a eu d'autres batailles qui ont été gagnées en province. Hein. Et c'est vrai que les généraux, c'était des généraux de l'Empire. Et les généraux pensaient que la République, c'était une parenthèse. Donc ils n'avaient pas trop envie de se battre pour la République. Mais les combattants allemands ont toujours reconnu que les combattants français se sont battus vraiment vaillamment. Quoi. Après, rentrer dans Paris, il n'en était pas question. Il y avait 170 000 et c'était 500 000 à l'intérieur. Donc, mais il y a une phrase, je ne sais pas si c'est Bismarck ou Guillaume, qui dit qu'il allait laisser Paris frire dans sa sauce. Donc on allait attendre que le froid, la faim fasse le travail. Et puis voilà. Il y a eu quelques victoires. Hein. Il y a eu celle de la plus célèbre de Cougnet avec, je crois que c'est Aurèle de Maladine. Et il y en a eu d'autres après. Il y a eu le général Chanzy, alors je crois spécialiste de la guerre en général franco-prussienne, mais Feder aussi, qui ont mené quelques batailles victorieuses. Et après, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi. Quand la commune a éclaté plus tard, les Prussiens étaient toujours. Alors, les Prussiens étaient la moitié des forts. Il y avait à peu près la moitié des forts qui étaient occupés par les Prussiens. Ils sont rentrés dans Paris pendant 2-3 jours. Les rideaux se sont baissés, les puits se sont fermés, tout ça. Enfin, les gens, ils ont. D'ailleurs, tout le monde craignait que les gardes nationaux déclenchent quelque chose. Ils sont restés. Un bon temps dans les forts, et après, une autre partie est encore occupée après par les fédérés. Et dans ce temps-là, il y a une question. En fait, le gouvernement n'a pas investi dans la guerre parce qu'en fait, il connaissait les intentions des gradés militaires. Oh non, parce qu'il n'avait pas confiance en eux. Non, parce que je ne comprends pas tellement pourquoi. Je pense qu'il avait surtout peur qu'il y ait une révolution qui éclate. Quoi. Le gouvernement avait surtout peur qu'il y ait une révolution qui éclate dans Paris. Il y avait les fédérés, c'était plus de 200 000, c'était des gens du peuple. Quoi. Donc ils préféraient faire l'armistice avec les Prussiens, à la limite, les on rentre dans Paris, puis ça calme de l'ordre de tout le monde. Quoi. C'est ce qu'ils ont négocié avec les Prussiens. Fabre a négocié dès le mois de septembre, les Prussiens n'étaient pas encore arrivés autour de Paris, qu'elle était négociée sans en parler aux autres membres du gouvernement. Et après, quand il a négocié l'armistice, ça s'est fait un petit peu en douce. Il y avait des rumeurs, donc, parce qu'il savait très bien que j'en viens à Trochu. Trochu, au mois de septembre, il y a eu un défilé de gardes nationaux qui partait de Bastille par les boulevards jusqu'à la base de la Concorde. Il y avait quasiment 200 000 personnes. Et Trochu, il a vu ça, et quelque part, il avait envie de tenir son rôle de général. Alors après, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Mais oui, c'est... Mais non, je pense qu'il y avait vraiment cette crainte qu'une révolution éclate, donc il fallait négocier avec les Prussiens, faire ami à la famille avec les Prussiens. Et d'après ce que j'ai pu entendre, c'est que le général Bazaine avait l'intention de revenir, de négocier avec les Prussiens pour revenir sur Paris pour faire en sorte que rien n'éclate. Et voilà, donc c'est vrai que c'était un petit peu un jeu de dupes. Et voyant l'envie de la population de se battre, de faire la résistance à outrance, comme il disait, il savait que du jour au lendemain, il ne pouvait pas. Alors bon, il fallait jouer sur la famine, l'impossibilité de gagner la guerre. Alors que bon, selon certains spécialistes, après, il y a quand même une possibilité au moins de renverser le cours des choses, quoi. Mais voilà, donc ça c'est un peu un vide dupe avec les informations étaient un peu tombouts, contradictoires. Donc voilà. Est-ce que pendant ce siège et cet hiver à Lyon, ouais, tu as trouvé des traces de solidarité, comme des salles communes pour se chauffer, ou des cantines ouvrières? Il y avait les cantines municipales qui existaient. Alors c'était un peu le gouvernement qui les avait créées, mais. Il y a des cantines municipales qui existaient, des travaux économiques, et après il y avait des particuliers qui en ouvraient ceux qui avaient les moyens, qui ouvraient des salles. Ouais. Donc c'est vrai que personne n'est mort de faim, mais du manque quand même de nourriture. Donc quand il y a un manque de nourriture et qu'il fait moins 18, forcément ça s'en ressent. Et c'était les plus jeunes ou les plus âgés qui payaient le plus leur tribut, quoi. Donc, ouais, ça s'est organisé quand même comme ça, mais la démarche est partie du gouvernement des débuts. Alors, au début, c'était mal organisé parce qu'en fait, il y a beaucoup de cantines municipales dans les quartiers riches où, en gros, il ne manquait pas vraiment de nourriture. Après, ils ont rééquilibré, et puis dans, je dois avoir un document quelque part, où chaque semaine, il y avait une nouvelle liste de cantines municipales qui ouvraient. Je crois que c'était 20 centimes une portion. Il y avait un peu de viande, il y avait une soupe, une bouillie, un truc comme ça. En même temps, le vent ne manquait pas, on buvait beaucoup de vin chaud en soupe. Et voilà, donc l'essentiel était fait. Après, le bois a commencé à manquer rapidement. Et ça, c'était quand même le bois de charbon, voilà, c'était super cher. Il y avait des chantiers municipaux, certains ont été pillés d'ailleurs. Et il y a même, moi j'ai vu qu'il y avait des portes de particuliers qui étaient volées, quoi. Et il y a quelqu'un qui a pris la porte d'un particulier pour aller la couper et puis se chauffer. S'ils avaient coupé tous les arbres, non? Beaucoup d'arbres, les arbres du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, tous les arbres qui étaient autour de Paris ont été coupés. C'est vrai que l'hiver s'est installé dès le mois de novembre, il a commencé à faire froid. Et ça a duré quasiment jusqu'à la fin du siège, quand il faisait doux, il faisait 0 ou 5 degrés, pas beaucoup plus. On ne parlait pas de réchauffement climatique. Non, ça posait pas. Pas réfléchi encore. Et quand ouais. On se battait pas pour des puits de pétrole là. Non, là c'était plus local. Mais il y a beaucoup de soldats qui sont. Parce qu'il était toujours question de faire la percée et de rejoindre les troupes de Gambetta, donc qui étaient plus loin. Et si une percée avait vraiment été faite, les soldats sont partis pour plusieurs jours. Donc, il fallait amener des couvertures, etc. Et en fait, on ne leur donnait jamais ça dans l'équipement. Donc, il n'y avait pas le désir d'aller beaucoup plus loin. Et la première bataille, c'était celle de Champigny, autour de Champigny, à l'est de Paris. Et bon, ça tournait un petit peu au fiasco. Les Prussiens étaient prévenus. Les militaires ont prétendu que la Marne a soudain débordé, alors qu'en fait, il y a des piles de ponts qui avaient été détruits avant. Donc, forcément, ça faisait un boulot à cet endroit-là. Et après, la Marne partait un peu plus fort. Et donc, le fameux général Ducrot, j'y cite un moment, est parti en retraite dans le bois de Vincennes en disant qu'il allait repartir, puis il s'est quand même passé après pendant très longtemps. Et beaucoup de soldats sont morts de froid, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont même pas combattu, ils sont morts de froid. Il y avait des cas de personnes dont les mains restaient collées au fusil, comme ça. Alors, le bombardement n'a pas fait énormément de morts, je crois que c'est quelques centaines. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que par rapport à autant de monde, et beaucoup de bombes n'éclataient pas. Vous n'avez pas les Kalachnikov? Ah non, c'était moins sophistiqué. Et les ceintures explosives? Non, c'était des bombes qui étaient moins meurtrières. Et je pense que le froid, la maladie, fait plus de morts que la bataille. Les batailles autour de Paris ont fait quand même pas mal de morts, mais c'est vrai que le froid, ça, c'est ce qui a été assez mortel. Voilà. Ça nous a coûté quand même très cher, l'Alsace et la Lorraine. Et je ne sais plus combien de tonnes d'or qu'on a été obligé de donner aux Prussiens. Et ça a été la population française qui a donné leur alliance, leur bague, pour pouvoir payer, disons, de tonnes d'or. Ça, l'histoire de l'or, c'est quand même le gouvernement qui est venu le chercher dans Paris. Il y a eu un cafouillage, ils les ont laissé prendre et tout, ça c'est une des anecdotes. Parce que c'était eux qui avaient l'or dans Paris. Le gouvernement à l'extérieur, il n'avait pas, il y a eu un cafouillage, mais ils ont laissé sortir. C'est un aspect que j'ai pas Et l'autre ça. Truc, c'est par rapport à la question que tu posais, Varlin et la corporation tout ça, ils avaient monté les cantines populaires. Et justement, on appelait les cantinières à Varlin, ils étaient dans les quartiers et tout, ils faisaient de la bouffe collective, des trucs comme ça. Et pourquoi on n'a pas donné Belfort aux Prussiens, alors que ça faisait partie du Haut-Rhin? Bon, ça c'est parce que la ville avait résisté. Je crois qu'il y a des négociations un petit peu troubles, je crois. Je n'ai pas trop étudié le sujet, mais c'est vrai que Belfort a résisté jusqu'au bout, n'a jamais été. Ça fait partie du Haut-Rhin. Oui, complètement. Parce que justement, parce que les Belfortins se sont défendus. Jusqu'à la mort. Oui, ça a été une reconnaissance, disons, de la République entre guillemets, qui a donné aux Prussiens l'Alsace et la Lorraine, sans Belfort et la mort. Il y a eu des négociations après. Ça reste des éléments forts de la résistance. Belfort est un lieu comme ça. J'apporte une documentation qui va vous amuser sur. Sur la bataille de Nuit-Saint-Georges. Je vous ai apporté ça. Parce que mon grand-père a été blessé. Il a reçu Nuit-Saint-Georges. Vous pouvez le lire. C'est un super beau ce document, ça. Pour les Beaux-Arts, le développement patriotique en souvenir de la médaille de la guerre 70-71, qui essaie de servir pour Stéphane, qui voyait son état de service et pour sa belle conduite pendant la durée de la guerre. C'est un super beau. Alors, la baïonnette prussienne, elle est plate, légèrement bombée. Et c'est quand vous la recevez dans le ventre, vous arriviez, entre guillemets, à vous en sortir. Alors que la baïonnette française, elle est triangulaire. Alors là, ce moment, ça fait une magie. Alors, le Prussien, quand il renforçait la baïonnette en droite, il s'est obligé de donner un petit coup comme ça pour la retirer. Ça a été, disons, un accident parce que c'était. On ne voit pas les médias. C'est la période romaine. La maison de Saint-Georges, on a toujours, on est juste en face de l'église. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, il était viticulteur, il a été ruiné avec le phylloxéra. Il a vendu ses vignes, mais il a gardé sa maison. Une question. Paris était encerclé, la nourriture avait du mal à rentrer. Mais tu dis, il y avait beaucoup d'alcool, et ils buvaient beaucoup de vin et d'alcool. Ils étaient stockés ou ils rentraient? Il y en avait dans les entrepôts de Merci, assez longtemps que ça. Et puis le long du quai Saint-Bernard. Et c'était même protégé par du sable en cas de bombardement pour éviter que. Et il y en avait une grosse, grosse quantité. Et c'est vrai que dans tous les témoignages que j'ai pu lire, il y avait toujours du vin à boire et du café. Ça, c'est les deux trucs qu'on jamais. Le café, c'est deux, non ? Oui, il y a des nécessités. Ouais. Alors, c'est vrai que alors, selon les. Dans le Paris bourgeois, bon, on racontait que les gardes nationaux sur les remparts en buvaient énormément. Alors, c'est vrai que quand tu pars au combat, bah, parfois, tu as besoin d'avoir un petit peu de. Voilà, hein. Ouais. Et ils n'en abusaient pas plus que ça, mais c'était. Là, la preuve, comme quoi, c'était bien mon père. Ah oui, d'accord. Oui, oui, parce que. Ah bah oui. Voilà, ça, c'est ah, l'église Saint-Georges. Ah, bah, oui, on est juste devant l'église. Sur la place de l'église. Du premier étage de ma maison, hein, qui appartenait bien sûr à mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, en ouvrant les fenêtres, et voulait. Quand la porte de l'église est ouverte, on arrivait à voir le chœur sur la place du premier étage. Mais dans la chanson La Butte Rouge, il y a eu des combats à la Butte Rouge, parce qu'il dit celui qui boira le vin, boira le sang des copains. Ouais, tout c'est tout pas du tout ça, je connais pas. C'est où la Butte Rouge, c'est Non, mais c'est. Ah non, c'est la Butte Rouge. Parce que les seuls sud à Paris, c'est par là. C'est en banlieue, là. À moins que tu aies la Il y a aussi la Butte Rouge. Oui, Butte Rouge, c'est un. Ah non, c'est plus. Pas Châtenay. Châtenay-Malbré. D'ailleurs, il y a une cité qui s'appelle la Butte Rouge. Et mon père s'appelait Félix. Ouais. Le fils de François. D'accord. Ça correspond. C'est carré. Il a fait les deux guerres. Ça date de naissance. Merci. 1881. Ah, c'est des enfants. Il y a des moments où c'est Est-ce que vous avez. Oui, quelle est des sources il y a les géants postales. Comment tu es là Moi, c'était beaucoup de témoignages de l'époque. Parce que j'ai vu dans le monde. Tu sais, il y a la BNF, elle a un site en ligne, Galicard. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup ce qui m'a servi. Après, j'ai lu d'autres bouquins. J'ai lu quelques bouquins quand même, parce que bon, je préfère le papier que l'écran. Mais c'est vrai que pour la plupart des témoignages, c'est sur le site de Gallica, et c'est vrai que j'en ai lu des dizaines et des dizaines. Alors parfois c'était un petit peu en diagonale comme ça, parce que c'était un peu. Mais c'est surtout ça. Oui, des témoignages, quelle forme de témoignages Des journaux. Des journaux écrits au. Un journal qu'on tient au jour le jour. Et donc, même qui avaient été publiés Qui ont été publiés, mais qui n'ont pas été republiés depuis. Par exemple, le journal de Goncourt, bon, il y a un des deux frères qui était mort, mais je ne sais pas si c'était Mont, je crois que c'est Mont qui est encore vivant. Et lui, alors c'est vrai, c'est son point de vue donc d'un bourgeois, souvent assez méprisant vis-à-vis du coq, mais ça reste super intéressant. C'est bien écrit, je veux dire, même si on n'aime pas le personnage, c'est super bien écrit. Et donc c'est vrai que. Moi, j'ai aucun de ces anecdotes, c'est beaucoup ce qui m'a servi. C'est ce qui m'a le plus intéressé, c'était vraiment le quotidien. Après, je sais que les politiques, c'est intéressant aussi, mais c'était plutôt ça. C'était plutôt le quotidien. Ça existe, il y a pas mal de sources. Mais c'est vraiment enrichissant. Alors, parfois, tu lis un bouquin entier pour une anecdote, hein, mais voilà, c'est pas grave, c'est une anecdote importante. C'était beaucoup ça. Et après, pour le Paris des potes, moi, j'avais plusieurs bouquins, surtout sur le premier. C'est un moment où les rues changent de nom, donc c'est un peu compliqué. Éviter les dénoncés. Michel, c'est pas terminé. Mais c'est vrai que on était en plein dans les travaux ce matin, donc il y a des rues qui apparaissaient, des rues qui apparaissaient. Et ça, c'est un peu compliqué pour être sûr que telle rue existait ou pas. Après, il y a des bouquins qui ont été écrits pour le 13e, dans la Vienne, c'est un peu ce qui m'a servi. Et puis l'éditeur, connaissant bien le sujet, ça permet aussi de vérifier certains trucs. Voilà, donc je ne vais pas me tromper non plus sur le 13e. Il y a des trucs qui étaient compliqués. Actuellement, il existe toujours la rue des Gobelins et la dune des Gobelins. Mais à l'époque, il y avait aussi la ruelle des Gobelins. Et qui était, en fait, s'allongeait la diable. Ça a disparu, maintenant c'est notre rue, c'est un autre nom de rue. Au début, moi je m'y perdais, au début je commençais, mais je ne comprenais pas ce que la ruelle des Gobelins, la rue des Gobelins, je pensais que c'était la même chose. Donc à un moment, il a fallu assimiler tous les trucs et puis se repérer, quoi. Mais ça a tellement changé depuis ce quartier. Ouais. Tu n'es pas historien de cette époque. Non. Comment le livre a été reçu par par la communauté? Est-ce que tu as eu... J'ai pas eu de... pas de critique, pas de... Non, il, malheureusement, il n'est pas hyper bien diffusé. Tu vois, parce que c'est un éditeur qui fonctionne, qui travaille avec des libraires, mais pas tant ça. Alors, ce que je disais à Philippe, c'est qu'ils vont beaucoup sur les marchés, parce que les connus, ils vont énormément, tu vois, c'est particulier. Mais alors, je vais avoir un retour peut-être là, au mois de février, je suis invité, il y a une société d'histoire et d'archéologie du 13e arrondissement, et ça plus sur le 13e, quoi. Donc, mais c'est vrai que quelqu'un qui est hyper pointu sur la guerre 70, moi je peux pas tenir le truc parce que j'ai surtout étudié sur le truc. Moi je trouve que c'est quand même intéressant qu'il y ait des gens qui se sur la mémoire et qui donnent un autre regard que le regard des gens qui sont dans l'institution. Ouais, tout à fait. Je pense que ce genre de livre, parce que tu trouves tout le temps des anecdotes et que les autres ne vont pas chercher. C'est ce qui m'intéresse aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la petite anecdote, vraiment le petit truc. Et puis, j'essaie d'être rigoureux, de pas. Quand j'avais un doute sur un fait, j'en parlais pas. Plutôt que de. Moi, je suis situé, par exemple, il y avait un quartier qui s'appelait le nom va m'échapper, c'était une ruelle, je crois que je l'ai là, dans le 13e. Et sur les plans de Paris, en 1870, ce coin existait, mais c'était pas recensé comme une rue. Et donc, je ne savais pas vraiment si. Alors, je sais qu'en 82, c'était recensé comme une rue, mais comme c'était une sorte de petit couloir, comme ça, à ciel ouvert, je pense que c'est une voie qui a été nommée plus tard. Et comme j'avais un doute là-dessus, finalement, j'ai opté pour un autre lieu. Donc, j'essaie d'être prudent et puis de. Alors, je sais que j'ai eu au téléphone à la présidente du truc archéologique, là, du 13e. Bon, elle m'a dit qu'elle n'a pas réussi à me prendre en défaut sur le 13e arrondissement, donc ça m'a un peu sûr. Non, mais c'est vrai. Après, s'il y a des choses qui sont inexactes, c'est que ça m'aura échappé. Mais non, mais justement, je pense que c'est intéressant quand on n'a pas justement une formation d'aborder la chose différemment sous un autre angle, plus de quotidien. Alors après, ce qui m'a manqué, c'est que la plupart des témoignages, c'était quand même des témoignages soit de la grande bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Et le seul témoignage plus populaire, c'est Victorine Brochamp, qui était une connue comme là aussi. Donc elle a écrit, mais c'est un petit peu son texte assez court. C'est le seul vraiment, donc il a fallu un petit peu que je me projette dans un quartier populaire, on va dire. Mais bon, alors, c'est vrai que ça a manqué. J'aurais bien aimé trouver des témoignages vraiment de gens du peuple, par exemple, du 13e arrondissement, quoi. Mais ça, c'est un petit peu manqué. Alors après, pour les anecdotes, c'est vrai que ça restait quand même neutre. Et puis, il y avait un ressenti qui était quand même assez partagé pour pas mal de choses. Quoi. Mais ben voilà. Et le fait qu'il n'y avait plus de journaux, c'était parce que c'était l'état de guerre? Non, il y avait des journaux. Il y avait des journaux de journalistes. En fait, quand je dis que c'était interdit, c'était au moment d'une bataille, où là, le gouvernement a interdit aux journaux de publier le compte-rendu de la bataille, ce qui se faisait en général. Il y avait déjà le Figaro à l'époque. Ben, moi, je parle du Rappel et de notre journal, qui étaient des journaux vraiment très, très à gauche. Hein. Et puis, j'ai une liste là, il y a des journaux qui ont existé sur deux numéros. Blanqui avait son journal, La Patrie en danger, mais qui a arrêté au mois de décembre. Et donc, il y avait plein de journaux qui ont existé, qui ont duré un numéro, deux numéros, trois numéros. Après, il y avait des grands quotidiens de l'époque. Hein. Et les journaux aussi ont inventé quand les ballons partaient. Donc, ils avaient produit un document où il y avait, par exemple, sur une moitié, il y avait toute l'actualité de la guerre à Paris. Et là, il y avait une partie blanche qui était pour la communication des gens qui écrivaient à l'extérieur. Donc, c'était des choses comment ils appelaient ça. Et tous les journaux s'y sont mis donc, à proposer. Alors, c'était un petit peu plus cher. Et donc ça partait après avec les ballons en province. Mais non, les journaux n'étaient pas interdits, mais c'était juste pendant les batailles, le gouvernement ne pouvait pas communiquer, donc c'était uniquement avec les... Et là, c'était les dépêches officielles qui étaient placardées. Mais les journaux, le Figaro ne s'est pas gêné en général de dire du mal des bataillons, enfin des bataillons de l'Est parisien. Alors les bataillons, en général, ce n'était pas mélangé. C'est vraiment par quartier et souvent par profession. Il y avait un bataillon des artistes, il y avait un bataillon de la poste, un bataillon des chemins de fer. Et donc souvent il y avait par corporation comme ça, il y avait des bataillons, c'est souvent vraiment les mêmes quartiers. Donc il y avait déjà quelques bataillons plus bourgeois et des bataillons plus... C'est marrant parce que ce que tu dis, on sent bien le passage entre les corporations. Oui, l'organisation dans la corporation, ouais, et après l'internationalisme et ouais, l'organisation dans les syndicats. Oui, oui, oui, parce qu'il y a plein de trucs qui ont commencé à naître à ce moment-là. En dehors du Figaro, il y avait l'illustration aussi. Oui, il y avait l'illustration. Il y avait alors, dans les sources, il y a eu ça aussi, il y a eu l'illustration, tu me demandais. Mais il y avait le Monde illustré aussi. C'était l'équivalent de l'illustration. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il y avait des super dessinateurs, c'était un super travail. Et il y avait le rappel. Et c'est pareil sur Gallica, tu peux télécharger des journaux de l'époque. Alors, c'est vrai que j'essaie d'être pointu même sur la météo, c'est-à-dire j'essaie de savoir chaque jour le temps qu'il faisait et je notais sur mon truc de thermocasseur et chaque jour je notais la température, le ciel, etc. Et pour les petites anecdotes, on a assez, je ne veux pas être en défaut par la météo France, je sais pas. Donc j'essaie d'être. C'est pas un satellite. L'illustration, il a été créé par Édouard Chartor. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a un député là. Ah, parce qu'il y a un dessinateur qui avait un. Ah, je sais pas ça. Mais j'ai un recueil de l'époque, ça va de 70 à 75, mais il n'y a pas d'intégralité, c'est difficile de les trouver. Alors, mais c'est super drôle. Ce qui est amusant, c'est que j'ai mon nom sous l'Arc de Triomphe. Ouais. Hein, alors qu'il était général. Ouais. Et à bataille, disons, d'Italie. Ouais. Il a déserté les armées napoléoniennes. Poursuivre une belle ragaze. Ah, mais il a son nom sur l'Arc de Triomphe. Il a déserté un peu le nez. Et alors, il a quand même son nom sur l'Arc de Triomphe. On l'a félicité pour son bon choix, finalement. Mais je crois qu'il y en a d'illustrations, il y en a quelques-uns. Bon, en général, je ne sais pas si on l'a cité, là, mais c'est vrai que c'est incontournable, l'illustration de l'époque. Et puis, c'était plus ou moins neutre en même temps. Il y a des gens plus grands encore. Ouais, il y a plein de photocopies, je ne suis pas arrivé à trouver, mais normalement, il y a encore plus grand. Et il y a plus de couleurs qui reviennent. Ouais. Alors, comme il a 140 ans, mais le timbre impeccable, je n'ai pas voulu l'amener. Ça jaunit, voilà, mais l'original est encore plus grand. Il fait à peu près 10 cm de blé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les formats d'époque, c'est vraiment ça. L'imprimerie à l'époque, c'est un petit peu pour la santé. Ben écoute, merci de venir nous présenter. Donc, si vous voulez savoir ce qui est devenu le chien de Célie, rendez-vous sur LinkedIn, je ne vous dis pas comment ça se termine. Va-t-il s'en sortir ou non ?